بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل إن شاء الله تعالى avec aujourd'hui le hadith numéro 17 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, donc le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alaykum bis-sidq, vous devez être véridique, vous devez donc adopter la véracité. Car certes, le fait d'être véridique entraîne à Elbir. Elbir, qu'on va traduire inshallah ta'ala par la piété, Elbir dans la langue arabe, huwa kathratul khayr. C'est le fait de faire beaucoup de bien. Allah tabaraka wa ta'ala qui a décrit les anges comme étant barara. Barara, c'est-à-dire que ces anges, ils font énormément de bien. Et comme vous le savez, les anges ne se lassent pas de l'adoration. Ils vont tout le temps adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà pourquoi ils sont décrits comme étant barara. Et donc, le fait d'être véridique entraîne à l'accomplissement ou au grand accomplissement du bien. Le fait de faire beaucoup de bien. Walbir, et certes, la piété ou le fait de faire beaucoup de bien entraîne au paradis. Et l'individu ne cesse d'être véridique et de rechercher la vérité, de rechercher à adopter la vérité. Il ne cesse de faire cela sans qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant véridique. Et méfiez-vous, éloignez-vous du mensonge, car certes le mensonge mène à El-Fujour. El-Fujour, comme on a... El-Fujour, c'est... quelque chose qui se fend et qui se répand. Quelque chose qui se fend et qui se répand. Comme on a le ciel, Yawm al-Qiyamah, qui va se fendre. Comme on a le Fajar. Le Fajar, la lumière du Fajar, c'est une lumière qui arrive comme si c'est, t'as toute la noirceur qui se fend par un trait et qu'ensuite cette lumière, elle se propage. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fajar. Une explosion en arabe, el-infijar. Une explosion, el-infijar. Et donc, c'est une étincelle qui se propage. Et donc, el-fajar ou el-fujur, c'est la propagation, c'est la grande quantité du mal. C'est le contraire d'el-bir. On a vu qu'el-bir, c'est le fait de faire beaucoup de bien. El-fujur, c'est le fait de faire beaucoup de mauvaises choses. Et donc, le mensonge va entraîner l'individu, va le mener à accomplir beaucoup de mauvaises actions. Et cela va le mener à l'enfer, au feu. Et certes, l'individu ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant menteur. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Ahmed, Abu Daoud, Malik, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Wad-Darimi, et ensuite le Cheikh Rabia qui nous dit « Wallafzu li muslim » Et les termes cités, ce sont les termes qui sont dans le recueil de l'imam Muslim. Et donc ce hadith, il nous montre un point essentiel, ou plusieurs points essentiels. Et parmi ceux-ci, on a, au cher frère, barakallahu fikoum, l'importance d'être véridique. L'importance d'être véridique. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, « Ya ayyul ladina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Soyez parmi les véridiques. Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit le mensonge. Et certes, il y a une très belle parole de Cheikh Rabi' Hafizahullah où il nous montre que le mensonge, en réalité, oh chers frères, le fait de mentir, ça revient au fait de ressembler aux incroyants. Le fait de mentir, c'est le fait donc d'agir de la même façon que les incroyants le font eux. Car le mensonge est une caractéristique qui est spécifique aux incroyants. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Innama yaftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun » Certes, ceux qui inventent des mensonges, ce sont ceux qui ne croient pas aux versets d'Allah. Et ceux-ci sont des menteurs. Et donc le fait de mentir, aux chers frères, est une caractéristique qui est propre aux incroyants. Ce n'est pas une caractéristique qui appartient aux musulmans à la base. Tu es croyant, ta foi, elle t'appelle à être véridique. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous ordonne la vérité, il nous appelle par le nom de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Tu as cru, tu crois en Allah tabaraka wa ta'ala. Tu crois au fait que tu seras jugé. Yaoum al-qiyama. Tu crois en son livre, tu crois en son prophète. Ittaqullah, craignez Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Et faites partie des véridiques. Et donc, ô chers frères, il est important que tout un chacun, que nous tous ici présents, nous fassions attention à ce point essentiel, le fait de ne pas tomber dans le mensonge. Le fait de ne pas tomber dans le mensonge, car ceci est une ressemblance au kuffar. Ceci est une ressemblance au munafiqoun. Ceci est une ressemblance au munafiqoun. Car al-nifaq, l'hypocrisie, le fait de montrer la foi de façon apparente et de cacher la mécréance, ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge. Et donc, il est important, chers frères, que nous, en tant que croyants, nous adoptions les caractéristiques des croyants. Ici, dans le cours qu'on va voir aujourd'hui, on verra les caractéristiques que le croyant doit adopter et les caractéristiques qu'il doit impérativement délaisser. Car ce sont les caractéristiques des koufars, les caractéristiques des hypocrites, et nous devons absolument faire attention à cela. Voilà pourquoi je l'ai dit à un frère hier. On parlait du sujet du vaccin. On parlait du sujet du vaccin. Il est préférable, même si tu es anti-vaccin, il est préférable pour toi que tu prennes le vaccin et que tu mettes ta confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui est capable de toutes choses, celui qui a fait que le feu est devenu doux pour Ibrahim, alayhi salam. Il est mieux pour toi de prendre le vaccin et d'être véridique que de mentir. C'est mieux pour toi. Et ça, c'est important, cher frère. Le fait de, ici, celui qui va faire ce faux pass sanitaire, il va tomber dans plusieurs erreurs qui sont lourdes. La première, le manque de confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième, qui fait partie des caractéristiques des munafiqin, le fait d'avoir un sou'udhan envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de penser du mal d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est des caractéristiques des hypocrites dans le livre d'Allah. Bel dhanantum an la yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim. Mais vous avez pensé que le prophète et les croyants n'allaient pas retourner vers leur famille. Hein? C'est pour ça qu'ils ont fui le combat, parce qu'ils pensaient qu'Allah n'allait pas secourir les croyants. Ils ont eu une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. De la même façon, ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit parfois certains croyants vont avoir cette même caractéristique. Ils vont avoir un manque de confiance en Allah, ils vont avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Yahi, invoque ton Seigneur, aie une bonne opinion de lui, ne tombe pas dans le mensonge. Et le troisième point, et qui est aussi une ressemblance au munafiqin, le fait de mentir. Vous avez fait le vaccin? Oui, tenez, voilà, j'ai mon passe. Et donc, oh cher frère, il faut qu'on fasse très attention à ça. J'ai entendu qu'il y a un étudiant qui est parti à Médine avec un faux passe sanitaire. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il va étudier là-bas, lui? Qu'est-ce qu'il va étudier? Tu te ramènes auprès des ulama avec une attestation que tu es menteur. Tu vas rentrer, à chaque fois que tu vas rentrer au Masjid Nabawi, le passe, menteur. À l'université, le passe, menteur. Tu vas apprendre quoi? Et donc, oh cher frère, barakallahu fikoum, ne tombez pas dans ce piège. Je sais que beaucoup sont tombés dans ce piège. Et même chose pour les vaccins pour les enfants. C'est la même chose. On ne doit pas mentir. Il est où le problème? Comment se fait-il qu'on préfère mentir, tomber dans le péché, plutôt que de faire confiance en notre Seigneur? Allah tabaraka wa ta'ala n'est-il pas capable de tout? Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas donné la victoire à un petit nombre face à une des armées la plus puissante, l'armée de Pharaon? Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas donné la victoire à Nour face à tout son peuple? Allah tabaraka wa ta'ala n'a-t-il pas donné la victoire aux croyants face à Quraysh, les croyants qui n'étaient pas armés? Quraysh qui était venu avec toute une armée, des hommes prêts à la bataille. On lit tout ça les frères, on assiste à des cours, c'est pour l'appliquer. C'est pas pour venir assister au cours, ah tel faïda, tel truc, et lorsque tu sors, il est où le docteur de la ZUP là qui fait les... Ne cherchez pas à repousser le mal par le mal. Mettez votre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala wa kunu ma'as-sadiqin. Et faites partie des véridiques. Faites partie des véridiques. Et il y a énormément de versets dans le Coran qui nous montrent que Allah tabaraka wa ta'ala, il est avec ceux qui le craignent. Si tu crains Allah tabaraka wa ta'ala, penses-tu que Allah il va délaisser les croyants? Inna Allah ma'alladhina taqaw. Certes, Allah il est avec ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi qu'il est avec nous? On l'étudie. On l'a fait plusieurs fois. Il est avec nous. Ça ne veut pas dire qu'il est partout. Ça veut dire qu'il nous secourt. T'as, vu qu'on l'a étudié, pourquoi on ne l'applique pas? Lorsqu'on étudie, lorsqu'on assiste à des cours de aqida, et qu'on étudie ce genre de choses, lorsqu'on étudie les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est pas pour dire, ah, Foulen, c'est un moubtadir. Ah, l'imam de là-bas, c'est un moubtadir. Ah, l'imam de là-bas, il a fait des akhtana, asma wa sifat. C'est pour nous déjà, pour qu'on applique, les frères. Et donc, il faut qu'on applique cela. Il faut qu'on soit véridique. Barakallahu fikoum. Ce caractère est un caractère propre aux croyants. Le mensonge est un caractère propre aux incroyants. Et comme vous avez pu le constater dans ce hadith, donc, le mensonge, on a déjà vu précédemment le fait que le péché entraîne le péché. Le péché entraîne le péché. Comme ils nous disent les ulama, فَذَّنْبُ لَا يَأْتِ بِمُفْرَدِهِ إِنَّمَا يَأْتِ بِأَخَوَاتِهِ. Le péché ne vient pas seul, mais le péché vient avec ses sœurs. Sauf que ses sœurs, tu ne les vois pas au début. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Ils ont une maladie dans leur cœur, alors Allah a augmenté la maladie. Allah a augmenté la maladie. Les péchés, de façon générale, entraînent les péchés. Le mensonge entraîne à l'accomplissement d'un grand nombre de péchés. فإن الكذب يهدي إلى الفجور. Le mensonge entraîne à l'accomplissement d'un grand nombre de péchés. Et ça peut amener à une déviance totale qui te fait sortir de l'islam. Le grand nombre de péchés, ça mène au feu. Il se peut que ça soit le feu de façon partielle, c'est-à-dire temporaire. Il se peut que ça soit le feu de façon éternelle. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si tu meurs musulman ou non musulman. Alors fais les causes qui t'amènent au paradis. Et ne fais pas les causes qui t'amènent en enfer. C'est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse attention à cela. Wa jazakumullahu khairan. Et parmi, et il y a une parole aussi, chers frères, il faut qu'on fasse attention à cela. Ça fait partie aussi des versets que le Cheikh Rabbi a cité dans son explication. Il y a le fait que parfois, ou souvent même, les gens ne font pas attention à la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de mentir dans des sujets mondains, c'est grave. comme on a pu le constater, car jusqu'à présent, on a abordé des sujets, le fait de mentir dans des sujets mondains. Le fait de mentir dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man kadhaba aliyya » dans une narration, c'est marqué « muta'ammidan ». Et donc, celui qui ment sur moi, dans une narration, c'est marqué de façon intentionnelle. Dans une autre narration, ce n'est pas marqué de façon intentionnelle. Celui qui ment sur moi, de façon générale. فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Alors qu'il prépare son siège dans le feu. Alors qu'il prépare son siège dans le feu, ce qu'il prépare sa place dans le feu. Le fait de mentir sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est grave. Et parfois, certaines personnes vont se précipiter. Une fois, il y a un frère qui m'a envoyé une question. J'ai pas répondu parce que j'avais pas envie de me mettre dans un manquif où je tombe dans le mensonge sur Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Parce que c'est dur, même si parfois il y a des choses qui nous dérangent. Mais si tu veux dire que c'est haram, ça veut dire que tu as une preuve du char qui montre que c'est haram. Si tu veux dire que ceci est obligatoire, il faut que tu aies une preuve de la législation qui montre que c'est obligatoire. Ça, c'est important, cher frère. Lorsque tu dis que c'est halal, ça veut dire que tu as une preuve qui montre que c'est halal. Lorsque tu dis que telle chose est halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah l'a autorisé. Ça ne veut pas dire moi j'ai autorisé. Quand tu dis ah ça c'est halal, ça c'est haram. Ça veut dire ça, Allah l'a interdit. Et ça, Allah l'a autorisé. Et si c'est faux, tu as menti sur Allah. Et nous les salafis, il faut qu'on soit exemplaires dans ce sujet. Il faut qu'on soit exemplaire. On ne doit pas se précipiter et dire aux gens « Hada haram »« Hada halal » Parfois, des gens qui vont te dire « Hadihi bida » à se précipiter « Hadihi bida » Concernant quoi ? Concernant le fait de faire plus de 20 ou plus de 21 raka'a, etc., etc. pour le tarawih. Hein? Ou alors pour ceux qui descendent encore plus bas, plus de 13. Ils vont te dire Hada bida. Comment ça, Hada bida? Est-ce que vous imaginez, les frères, l'ampleur de notre parole? Lorsque tu dis ce terme-là, ça veut dire que cela ne fait pas partie. Allah ne l'a pas placé dans sa législation. Et celui qui le fait, il a menti sur Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu viens, tu dis ça, c'est haram. Combien de frères ils sont tombés dans cette erreur? Ça, c'est haram. Ensuite, tu te demandes, c'est quoi ta preuve? Et c'est là que tu tombes dans un sujet qui est lourd et douloureux. Le fait de dire, de mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Hein? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de grave au cher frère. Et donc, pour vous lire le verset qu'il a cité, le cheikh Rabia, « وَلَا تَكُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ » Et donc, ne dites pas par ce que vos langues décrivent de façon mensongère, ceci est halal, ceci est haram, afin de mentir sur Allah. Certes, ceux qui inventent des mensonges concernant Allah ne réussissent pas. Le Cheikh Sa'adi, Hafid Rahimahullah, il dit, ceux qui inventent des mensonges sur Allah tabaraka wa ta'ala, il est impératif que Allah tabaraka wa ta'ala mette en évidence ce qu'ils ont fait. Que Allah mette en évidence donc ce mensonge. Ils ne peuvent pas rester comme cela. Et qu'ils vont mentir sur Allah et que les créatures s'égarent sans qu'il y ait une preuve qui montre que ces gens-là ont menti sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc on doit faire attention, chers frères. Barakallahu fikoum. Nous les salafis, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Ah, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est haram. Les frères, nous, il faut qu'on apprenne à ne pas nous précipiter dans ce genre de choses. Les fatwas qu'on va faire, ça c'est halal, ça c'est haram. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va finir avec ça, inshallah ta'ala. Inna Allah la yabidu l'ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-rijal. Certes, Allah n'enlève pas la science en l'arrachant de la poitrine des hommes. La science, elle ne part pas comme ça. Ce n'est pas un jour où tu as de la science, tu te réveilles le lendemain, il y a Walou. Allah tabaraka wa ta'ala n'enlève pas la science comme cela. Mais il enlève la science, bikob dit le ulama, en faisant mourir les savants. Hatta la yabqa alimun wahid, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un savant. Fattakhadha an-nas ru'usan juhala. Alors les gens, ils prendront des leaders ignorants. Fasa'aluhum. Ils vont leur poser des questions, les interroger. Jusqu'ici, ils ne sont pas blâmables. Vous savez quoi? Jusqu'ici, celui qui est interrogé n'est pas blâmable. Ils nous disent les savants, il n'est pas blâmable. Anta jahil, le fait que tu ignores quelque chose, tu n'es pas blâmable parce que tu ignores quelque chose. Sauf si tu n'as pas fait les causes pour savoir. Mais il se peut, combien de savants ne savent pas certaines choses? L'imam Malik, interrogé sur 40 sujets, il répond la alim, la adri. La adri, la adri, la adri, la adri, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'autre qui dit, mais ya, imam, je viens de loin, comment je vais faire? Monte sur ta monture, retourne dans le pays d'où tu viens, et tu dis aux gens que Malik ne sait pas, c'est tout. Et donc le fait de ne pas savoir, en lui-même, ce n'est pas blâmable. Le problème, c'est la suite. Et ils ont émis un avis juridique sans science. Il est là le problème. Fedollou, c'est à ce moment-là qu'ils se sont égarés. Il s'égare à partir du moment où il émet un avis juridique sans science. Fedollou wa edollou. Ils se sont égarés et ils ont égaré les autres. Et donc nous les frères, il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Quelqu'un vient te demander quelque chose, yahri, etc. La personne te fait confiance. Elle te fait confiance, elle a vu que tu as une apparence de sunna, etc. Yahri, c'est quoi le jugement? Iyak, ne te précipite pas. Iyak, ne va pas, tu réponds tout de suite à la personne, ta. Prends ton temps, il n'y a rien qui t'oblige. Tu peux dire, je ne sais pas. Halal, haram, attention. Ça veut dire, c'est Allah qui a interdit et c'est Allah qui a rendu obligatoire. Si c'est faux, tu as menti sur Allah. J'espère que vous avez compris, au cher frère, la gravité de la situation. Et que chacun d'entre nous fasse en sorte de ne pas tomber dans ce piège. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallahu.